Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Alexander Hamilton, père fondateur des États-Unis et père du modèle économique américain. Alexander Hamilton était profondément anglais, britannique, dans sa conception de la politique. Et il a beaucoup critiqué la fondation jeffersonienne de la République américaine. Hamilton était le conseiller de George Washington, du premier président. C'était vraiment la tête pensante pour toute la vision économique du gouvernement américain. Le sociologue Stephen Kelly, à l'émission Dimanche Magazine en janvier 2002, qui, de Thomas Jefferson ou d'Alexander Hamilton, a le plus grand poids dans ce que sont finalement devenus les États-Unis sur le plan politique, on peut probablement aujourd'hui encore continuer de débattre de cette question, mais sur le plan économique, il y a une évidence qui s'impose. Parmi tous les pères fondateurs, le grand architecte du modèle américain reste incontestablement Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait, just you wait. Moi, je pense que mon jugement va dépasser aujourd'hui. Je suis pas la première fan des comédies musicales. Mais ça a l'air bon quand mais même. Mais ça, c'est Hamilton et c'est vraiment différent. C'est un phénomène. Et je voulais vous en parler aujourd'hui pour peut-être ramasser toutes les infos qui circulent depuis plusieurs mois par rapport à ça. Une espèce de Hamilton 101 pour qu'on soit tous au courant de ce qui se passe. Hier, dévoilement des nominations pour les Tony Awards aux États-Unis. Donc, c'est le meilleur de Broadway. Et la production a battu un record. 16 nominations. C'est un record dans l'histoire de Broadway. Alors que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas ou que vous détestiez carrément les comédies musicales, ça change rien. Vous allez tomber sous le charme de Hamilton. On est rendu à près de 70 millions de recettes au box-office. Wow. Et ce n'est qu'un début. 70 millions? C'est rien. On dit que c'est le nouveau Cats. Le New York Times disait que ça pourrait être joué pendant des décennies et engranger des recettes de quelques milliards à terme. Sur la musique de la comédie musicale Hamilton, vous entendiez la chroniqueuse culturelle Catherine Vribilli à l'émission Gravel le matin en mai 2016. Pour nous présenter le parcours et l'importance d'Alexander Hamilton, je reçois Mylène Desautels, qui est professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx dans la région de Montréal. Mylène Desautels, bonjour. Bonjour, Jacques. Qu'est-ce qui fait, Mylène Desautels, qu'est-ce qui fait d'Hamilton un personnage si intéressant qu'on lui a même dédié une comédie musicale, qui a été d'ailleurs, on vient de l'entendre, un grand succès? Oui, et c'est même devenu un film de Disney, c'est tout dire. Hamilton n'est pas le plus connu des pères fondateurs des États-Unis, en fait, surtout parce qu'il n'est jamais devenu président ni vice-président du jeune pays. Mais comme on l'entendait dans l'extrait au début, il a vraiment un rôle majeur dans la construction du jeune pays et même aussi durant la guerre d'indépendance, son rôle ne sera pas négligeable. Il aura été à la fois un officier militaire, même un héros de la guerre d'indépendance, un juriste, un avocat, un politicien. Il va être secrétaire du Trésor, il va être banquier, économiste. Bref, il a eu beaucoup, beaucoup de chapeaux. Et à travers lui, c'est sûr qu'on peut étudier là, la naissance des États-Unis. Et surtout, il devient un peu l'archétype du self-made man, cette figure américaine qui est si importante parce qu'il naît pauvre, il immigre aux États-Unis et va se hisser au plus haut poste du pays. Mais il va placer son ambition qui était démesurée, non pas au service de son profit personnel, mais vraiment pour le bénéfice de la nation à devenir. Alors, il devient vraiment là, cet archétype du self-made man qui va revenir si souvent dans l'histoire américaine. Et en plus, pour rajouter au personnage, c'est qu'il y a une fin tragique et rocambolesque. Il meurt à la suite d'un duel contre le vice-président des États-Unis de l'époque, Aaron Burr. Alors, évidemment, avec tous ces ingrédients-là, on peut comprendre la fascination que les Américains ont pour ce personnage. Même s'il n'est jamais devenu ni président ni vice-président. Puis on peut aisément comprendre aussi pourquoi ça a été récupéré à Broadway et au cinéma. Effectivement, il y a tout là-dedans. Et il y a surtout, puis on y revient tout de suite, ce parcours-là, cette figure si importante dans l'imaginaire américain du self-made man. Ça fait un petit peu partie de l'ADN de cette société, de ce peuple-là. Parlons de ça pour commencer l'émission. Il naît dans une des îles des Caraïbes britanniques, grandit dans la pauvreté, mais vraiment dans son cas, la grande pauvreté. Parlez-nous de ses années de jeunesse, de ce qui l'amène aux États-Unis. En fait, c'est un des seuls pères fondateurs qui ne fait pas partie de l'élite américaine, là, des grands planteurs ou des financiers marchands du nord-est américain. Il naît en 1755 sur l'île de Nevis, dans les Caraïbes britanniques, et sa mère est en partie française, et elle a fui son premier mari et vit en concubinage avec un dénommé Hamilton, et elle aura deux enfants avec lui, donc non seulement hors mariage, mais c'est considéré presque comme de la bigamie. Et en fait, le père de Hamilton va abandonner sa femme et ses deux enfants pour lui éviter, soi-disant, le scandale de bigamie à l'époque, et il va donc grandir dans la pauvreté, et sa mère meurt quand il a 12 ans. Donc, en plus, il devient orphelin très jeune et il va être placé chez un marchand de l'île de Sainte-Croix, une autre des îles dans les Caraïbes. Et en fait, il est essentiellement autodidacte et c'est auprès de ce marchand-là qu'il va développer ses habiletés de lecture, d'écriture. Et il y aura un coup de chance. En 1772, il y a un ouragan dévastateur qui, donc, donne beaucoup de dommages aux Caraïbes. Et lui, il va écrire une lettre extrêmement poignante et très réfléchie sur la nature du monde avec cette réflexion post-ouragan. Et cette lettre est publiée. Et ça va impressionner l'élite de Sainte-Croix qui va se cotiser pour l'envoyer étudier dans les 13 colonies américaines. Parce qu'évidemment, les études supérieures, il n'y en a pas, donc dans la petite île de Sainte-Croix. Et donc, il va saisir cette chance-là et cette espèce d'ambition-là de se sortir de ses origines modestes va vraiment toujours rester collée à lui durant son parcours. Oui. Et donc, ses origines modestes, ça, c'est le point de départ, mais il atteindra, et on revient à ce parcours qui fascine tant les Américains, il atteindra les sommets, les plus hautes fonctions, pas la plus haute, pas la présidence, mais quand même, il participera à la création de ce pays, les États-Unis d'Amérique. Et puis, il sera, vous le disiez au tout début de l'émission, c'est un des points qui fait de lui quelqu'un d'intéressant, c'est aussi un héros de la guerre d'indépendance. Il va s'illustrer notamment à la fameuse bataille de Yorktown. On écoute à ce propos un extrait du documentaire de PBS, Alexander Hamilton, American Experience, diffusé en 2006. Il est désespérément entêté, si bien qu'il se rend un peu au bord du précipice. Et délibérément, il fait défiler ses hommes sur le terrain ennemi. C'est tellement surprenant que l'ennemi se demande « Mais ce doit être une ruse, non? » Parce que personne ne serait assez stupide au point de faire défiler ses hommes devant nous sans qu'il y ait un piège. Because no one would actually be so stupid as to drill his men in front of us. Without there being a trap of some kind. The Battle of Yorktown begins at night. La bataille de Yorktown débute la nuit, avec la prise de la forteresse, les défenses extérieures des fortifications britanniques. Hamilton se fraye un chemin ainsi vers l'avant. Hamilton pushes his way to the front. And Hamilton finally had this moment that he had craved since boyhood. Et Hamilton a finalement eu ce moment dont il rêvait depuis l'enfance. Il a dirigé la première charge de l'infanterie à Yorktown dans l'éblouissement de ses explosions. Encore une fois, ça démontre le courage presque fou de Hamilton. Cet homme plutôt léger, qui avait une connaissance livresque de l'artillerie, devenait soudainement un combattant téméraire de la bataille de Yorktown. Donc, parlons-en de ce héros de la guerre d'indépendance que sera Alexander Hamilton, Mylène Desautels. Bon, il y a Yorktown, il y a plus que ça, il va être très près de Washington à un moment donné. Parlez-nous un petit peu de son rôle dans cette guerre d'indépendance. En fait, il arrive dans les 13 colonies comme immigrant, si on peut dire, mais très rapidement, alors qu'il y a l'effervescence là, qui va mener à la déclaration d'indépendance, il va embrasser la cause des patriotes. Donc, pour lui, c'est clair dans son esprit que ces 13 colonies-là doivent devenir indépendantes. Et avant même la déclaration de guerre, alors qu'il étudie à ce qu'on appelait le King's College, qui est aujourd'hui l'Université Columbia, il prend vraiment la parole pour faire une défense là, de la cause patriote. C'est dans ces années-là aussi qu'il va commencer à prendre la plume. Ça va être une des marques de commerce d'Alexander Hamilton. Il écrit très bien, il est très convaincant et il va donc être un pamphlétiste très reconnu, alors qu'il est tout jeune encore dans les années 1770. Et quand la guerre commence, donc, il veut voir de l'action. Pour lui, c'est une façon, donc, de se hisser encore et il veut être ce héros de guerre. Il va, d'ailleurs, on voit, l'extrait le disait bien, il étudie dans les livres l'artillerie pour pouvoir obtenir, donc, le commandement d'une compagnie d'artillerie. On voit à la fois l'intellectuel et l'homme d'action. Et il va donc se joindre à une milice de volontaires, va participer à quelques batailles et va se faire remarquer par George Washington qui va l'embaucher comme aide de camp. Et entre autres, le fait qu'Hamilton parle français, on se souvient que sa mère est en partie française, va vraiment être précieux pour Washington parce qu'on développe dans ces années-là, 1777, l'alliance avec la France. Oui. Et entre autres, il y a un certain marquis de Lafayette qui est venu aider les Américains et Alexander Hamilton va développer une amitié assez importante donc avec le marquis de Lafayette. Mais pour Hamilton, être aide-de-camp, c'est loin du terrain de bataille. Il veut la gloire militaire et finalement, en 1781, suite à une certaine, un malentendu avec Washington, il va démissionner et là, il ronge son frein. Il veut un commandement militaire. Et il va finalement l'obtenir un peu in extremis, là, juste avant la bataille de Yorktown. Et on l'entendait dans l'extrait, il va jouer un rôle très téméraire, presque fou, en fait. Il va se lancer d'assaut de nuit contre un des postes avancés là, des Britanniques qui sont retranchés dans la bataille, dans la ville de Yorktown. Et à la baïonnette, donc, il va prendre ce poste-là. Et c'est un des éléments qui contribue à la reddition du général Cornwallis. Donc, in extremis, juste à la fin de la guerre, il réussit à devenir ce héros militaire, à se faire remarquer oui. sur le champ de bataille. Et ça, évidemment, ça va participer à sa légende, de même que le rôle important qu'il va jouer comme, à titre de père fondateur des États-Unis. Ils sont quelques-uns. Quelle place il occupe parmi ses pères fondateurs? Oui, en fait, donc, une fois après la bataille de Yorktown, on négocie vers la paix là, de 1783. Mais entre-temps, il y a déjà eu une première constitution signée par les 13 colonies américaines ou les 13 États durant la guerre. Et cette constitution-là, elle est vraiment une mouture très, très, très décentralisée du premier pays là, des États-Unis. Et Hamilton, il est délégué de l'État de New York à ce qu'on appelle le Congrès de la Confédération, mais il juge que ce n'est pas fonctionnel, que ça prend un pouvoir central fort et donc va être parmi ceux qui vont critiquer énormément cette première mouture de la Confédération américaine. Et ça va mener, lui et d'autres, évidemment, il n'est pas le seul critique parce qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de Cour suprême, c'est vraiment un pouvoir central quasi inexistant. Ça va mener à des négociations à Philadelphie pour pondre la Constitution américaine telle qu'on la connaît. Et là, Hamilton joue vraiment un rôle très important parce qu'il est convaincu que ça prend un gouvernement central fort avec des pouvoirs financiers et militaires pour mener à bien donc ce pays-là. Et on voit ce qui est intéressant d'Hamilton, c'est comme il est fraîchement immigré, il n'y a pas cette espèce d'appartenance à son État d'origine, comme par exemple un Virginien peut en avoir. Hein? Sa première appartenance, c'est d'être Virginien. Oui. Et lui, déjà, il pense en termes de nation américaine. Et donc, il va vraiment travailler très fort pour faire accepter cette nouvelle vision des États-Unis. Il va d'ailleurs écrire toute une série d'essais qu'on appelle les Federalist Papers avec James Madison et un peu John Jay, mais c'est lui vraiment le père fondateur derrière ces écrits-là. Et ces écrits sont considérés comme fondamentaux pour comprendre la Constitution américaine. Et encore aujourd'hui, des juristes vont s'y référer pour parfois interpréter la Constitution. Et donc, c'est à ce titre-là qu'Hamilton joue vraiment un rôle majeur dans la construction du nouveau pays. Et puis, la vision centralisatrice, on va y revenir dans un instant parce que ça va l'opposer. Oui, il y aura la Convention de Philadelphie, mais le débat ne sera pas clos pour autant. Mais toute la notion, tout le principe de l'équilibre des pouvoirs qui est central dans les fondations des États-Unis, il est aussi derrière ça. Oui, en fait, il y a comme deux clans qui vont s'opposer dans cette construction des États-Unis. On dit les Hamiltoniens contre les Jeffersoniens ou les fédéralistes contre les antifédéralistes. Et le parti pris pour un gouvernement central fort avec une séparation des pouvoirs et le principe de ce que les Américains appellent le « check and balances » ou les poids et contrepoids. Qui est en fait l'équilibre des trois pouvoirs, exécutif avec le président, législatif avec le Congrès et judiciaire avec la Cour suprême. Exactement. Voilà. C'est l'architecture qui va être adoptée et lui va pousser pour que le gouvernement central ait toujours plus de pouvoir, tandis que Jefferson se méfie de ce pouvoir central qui reproduit un peu ce que la royauté britannique a été, un pouvoir loin de la population qui peut devenir donc despotique. Et Jefferson a une vision beaucoup plus agrarienne du pays, donc l'avenir du pays, c'est l'agriculture, ça va être ça le développement des États-Unis, tandis que Hamilton, lui, c'est la finance, c'est les marchands, c'est vraiment tout le nord-est américain, au fond. Et ces deux visions-là vont vraiment s'opposer. Et donc, une vision centralisatrice, décentralisatrice. Puis on pourrait même dire qu'encore aujourd'hui, il y a ces deux forces-là sont présentes aux États-Unis. Hein? Une vision où on veut un gouvernement central fort qui intervient dans l'économie, dans la société, qui serait plus incarnée par les démocrates aujourd'hui, et une vision plus libertarienne qui serait plus incarnée donc par les républicains. Ouais. Donc ça, c'est déjà beaucoup, ce que vous venez de décrire sur le plan de l'architecture du pays, l'architecture politique du pays. Mais son legs principal, ça reste sa vision du développement économique du pays. Certains parlent de lui comme du père de l'économie américaine, c'est pas rien. Voici à ce propos la politologue Marie-France Toinet au micro de Léo Kalinda à l'émission Fil du temps en 1988. Qui est votre autre favori? De l'époque. Hein? Hamilton? Oui, Hamilton. Mais juste un mot, parce que c'est vrai, c'est étonnant, entre parenthèses, cette période de la fin du 18e siècle. Et dans tous les pays... C'est fabuleux. Il n'y a pas de pays où il n'y ait des hommes extraordinaires, et pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan des arts, sur la philosophie, tout. Et c'est le cas aussi aux États-Unis. Et c'est vrai que tous ces hommes, alors j'ai un peu dit de mal, de Jefferson et de Madison, mais ce sont quand même des grands hommes, et bien sûr Hamilton. Oui, Hamilton... parce qu'il est le premier colbertiste américain, parce que c'est lui qui fonde la nation, qui fonde l'État, le développement économique des États-Unis, qui vont devenir la plus grande puissance du monde en moins d'un siècle, ce qui est tout de même proprement prodigieux. Et je crois que les États-Unis, ils n'en sont pas toujours conscients. Voilà un personnage, entre parenthèses, qui est à peu près inconnu à l'extérieur des États-Unis. Mais c'est lui qui va faire ces rapports qui serviront ultérieurement, le rapport sur le développement des économies, etc., qui va établir le crédit des États-Unis en remboursant la dette qu'ils ont contractée pour obtenir leur indépendance. Et du coup, pendant tout le 19e siècle, les États européens vont leur prêter les capitaux dont ils ont besoin pour leur propre développement. Si Hamilton n'avait pas pris cette première décision, eh bien, il n'y aurait probablement pas eu le développement qu'ils connaîtront ultérieurement. Quelle importance il a, Hamilton, Mylène Desautels, sur le plan économique, sur le plan du développement économique des États-Unis? Comme on l'entendait dans l'extrait, il est vraiment l'architecte de la construction économique du gouvernement central américain. En fait, il va être nommé par George Washington, qui est élu à l'unanimité des grands électeurs en 1788 comme premier président, et il devient secrétaire du Trésor. Et donc, c'est évidemment un poste névralgique pour construire donc l'économie du pays. C'est lui qui va donc développer le principe de la dette nationale pour augmenter la solidité du jeune État. Il va créer la première banque centrale américaine. Il va développer aussi la monnaie américaine stable. Certains États auraient préféré chacun frapper leur monnaie. Lui, il va imposer cette vision-là. Il va aussi développer la garde côtière américaine pour protéger les navires marchands américains. Il va éventuellement contribuer à la création d'une armée nationale. Donc, on voit vraiment ce rassemblement des pouvoirs au gouvernement central. Et évidemment, ça ne se fait pas si facilement. Il faut se rappeler que Jefferson aussi est membre de ce premier cabinet. Il est secrétaire d'État. Et donc, on a les deux visions qui s'opposent au sein même du cabinet. Et George Washington va en fait souvent pencher en faveur d'Hamilton dans les débats qui opposent les centralisateurs versus ceux qui préfèrent donc un gouvernement central plus faible et la balance des pouvoirs aux États. Et une économie dans la version Hamilton qui repose vraiment sur le grand capital, sur l'industrialisation, par rapport à cette vision que vous décriviez un peu de Jefferson qui était plus tourné vers le monde agricole, l'économie à échelle humaine. C'est donc Hamilton qui va en gros remporter cette bataille-là. Un petit mot sur son style, sur sa personnalité. Oui. Ça vaut quand même le détour. Un homme vraiment au côté très flamboyant. Oui, et même certains de ses ennemis diraient détestable. Il a vraiment une personnalité fonceuse. Hein. Il est parti de rien, il s'est au sommet. Il y a quelques épisodes célèbres dont Hamilton fait partie. Entre autres, la décision pour établir où sera la future capitale du jeune pays. On parle d'un souper qui a mené au compromis de 1790, alors que Jefferson invite Madison, qui est un autre Virginien, et Hamilton à souper chez lui. Et durant le souper, on réussit à négocier le fait que si le plan financier centralisateur d'Hamilton est accepté, il y a certains États qui rechignent, qui voient vraiment un outrage à leur souveraineté, Hamilton va, lui, faire un plaidoyer pour installer la capitale dans le sud, donc à l'État, dans le Washington DC qu'on connaît actuellement. Et donc, c'est un peu en négociant comme ça son plan financier qu'on réussit donc à se tomber d'accord sur l'endroit de la capitale qui est dans le sud et non pas dans le nord. Autre clin d'œil intéressant à de nos jours, on dit souvent que c'est lui qui est le premier, qui vit le premier sex scandal des États-Unis. Ah bon? En fait, ouais, c'est un peu comique pour l'époque, mais il a une relation avec une femme mariée, Maria Reynolds, et l'époux de cette femme-là va extorquer jusqu'à 1000 $ à Hamilton pour acheter son silence. 1000 $ à l'époque, c'est énorme. Et en fait... quand, il y a des, quand cette histoire-là sort au grand jour, Hamilton est accusé non pas de, d'avoir fait de l'adultère, mais plutôt de corruption. Il est secrétaire au Trésor, alors c'est très grave. Et donc, pour s'en défendre, il va écrire un pamphlet en détaillant tous les détails intimes de sa relation et montrant comment il est tombé dans le piège, mais surtout pour montrer comment il n'est pas corrompu, bien entendu. Oui. Et donc, au fil de ces années-là, avec donc, sa personnalité, il va développer évidemment des ennemis politiques assez importants, comme John Adams, qui l'a traité de mentalement dérangé, et surtout Aaron Burr, qui va dire, donc, dans un de ses pamphlets, il va déclarer qu'il est despicable, donc détestable et sans principe à la fois dans sa vie privée et vie publique. Et c'est évidemment cette accusation-là qui va le mettre dans le trouble. Ben oui, parce qu'en fait, il va mourir dans un duel qu'il oppose justement à Aaron Burr. Qu'est-ce qui se passe ce fameux 11 juillet 1804 où les deux hommes se rencontrent en duel? Alors, à 49 ans, Hamilton va mourir des suites d'un duel contre le vice-président des États-Unis. Ce duel-là est provoqué par une espèce d'escalade d'insultes qui a commencé par l'accusation de détestable donc, que Hamilton a fait. Et les duels à cette époque étaient fréquents, mais très mal vus, illégaux même dans certains États. Et c'était plus un... Il faisait appel à une espèce de code d'honneur. Et Hamilton, tout nouvel arrivant qu'il est aux États-Unis, sent qu'il ne peut pas s'échapper de ce code d'honneur-là. Et donc, il ne peut pas se rétracter de son accusation contre Burr et décide d'aller au duel. Ce qui est intéressant, c'est que la veille au soir, il a écrit son état d'âme face au duel, comment justement il juge qu'il ne peut pas refuser cette confrontation-là. Mais on sait qu'il avait l'intention de gaspiller son tir. En fait, les duels menaient rarement à la mort. C'était plutôt une façon gentleman de régler donc, un conflit. Et donc, malgré tout, il va en mourir. Le matin, donc, les deux embarquent de New York vers les rives du New Jersey, où là, c'est pas explicitement illégal, avec chacun leur témoin, et font donc tout le protocole, les 10 pas de recul, et les deux se retournent. Et il y a 2 tirs qui ont été tirés. Celui d'Hamilton manque Burr, mais Burr vraiment atteint Hamilton en plein ventre. Il y a un trou de 2 pouces, là, il sait qu'il va mourir. Il est ramené, donc, le lendemain matin. Il va mourir dans une résidence de New York. Et on ne saura jamais vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Les deux témoins ont des versions contradictoires. Ouais. On pense peut-être même que Burr a tué par erreur Hamilton, parce que les fusils de l'époque, évidemment, ne sont pas très précis. Mais là, Burr est vraiment, doit s'enfuir. Il va s'enfuir jusque dans le sud, alors qu'il est vice-président. C'est un peu surréaliste. Et il va finalement même partir un mouvement de sédition avec les Britanniques. Alors, il est devenu vraiment ce personnage détestable dont l'accusait Hamilton dans la réalité. Et la mort d'Hamilton dans ces circonstances, au cours d'un duel, bien évidemment, ça participera aussi de sa légende. Mylène Desautels, professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx dans la région de Montréal, je le rappelle. Merci, Mylène. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.